Bonjour à tous, bienvenue sur Il y a des choses à dire, une émission consacrée à l'handicap visuel vu autrement, animée par Papy José. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de Il y a des choses à dire, consacré à l'handicap visuel vu autrement. C'est la 7e émission déjà, le temps passe vite. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler un peu d'autre chose, le sport. Ou plus exactement, on va parler pétanque. Mais attention, on ne va pas parler pétanque au bord de la mer, sous les palmiers ou sous les cocotiers. Non, on va parler de la pétanque, la vraie, le sport, compétitivité. Et on va parler plus exactement d'handi-pétanque. Pour ce faire, j'ai aujourd'hui deux invités, Marc et sa femme Anne. Tous deux sont des compétiteurs en pétanque, mais Anne a la particularité d'être non-voyante. Ils sont tous les deux vice-champions de France pour 2025 et Anne, de son côté, seule dans l'handi pétanque, elle est championne de France 2022. Bonjour Anne, bonjour Marc. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Anne, tout d'abord, noblesse oblige. Alors, mon prénom, c'est Anne et voilà, je suis non-voyante. Ça fait maintenant 6 ans que je suis non-voyante et mon handicap était autrefois, on va dire, j'étais forte malvoyante avant de devenir non-voyante. Ok. Marc ? Moi, je m'appelle Eugénie Marc. Je suis guide de ma femme Anne, je travaille dans la fonction publique et puis ça fait plus de 20 ans que je joue à la pétanque et que je manifeste depuis plus de 10 ans dans les concours handi en étant guide. D'accord. Alors, première question qui me vient tout de suite. Moi, je suis non-voyant, pétanque, je joue à la pétanque, mais... Voilà, pour l'apéro, hein. C'est comme ça que je joue, moi. Mais Anne, oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour dire « je joue à la pétanque » ? Alors, au début, j'ai joué avec des handicapés visuels à Amnéville. Et ensuite, donc, j'ai rencontré Marc, et Marc m'avait dit une fois « tiens, sois allé jouer avec les valides ». Donc, j'ai été, ça m'a plu, et puis je continue, voilà. Ouais, donc, ce que je comprends bien, au départ, vous ne connaissiez pas Marc. Non. Vous faisiez de la pétanque, mais vous étiez déjà déficiente visuelle. Voilà, exactement. Vous n'étiez pas non-voyante, vous étiez déficiente visuelle. Voilà, tout à fait. Et c'était déjà un peu de la compétition, ou c'était le plaisir de se retrouver. Au départ, c'était le plaisir, c'est plus voilà. Marc qui m'a, pas obligé, mais je veux dire, qui m'a appris comment que ça se passait. D'accord. Et après, il y a combien de temps, ça? Ça fait maintenant 12 ans que je joue à la pétanque. 12 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait les compétitions. Avec... Marc, vous, ça fait 20 ans. Moi, ça fait même plus que 20 ans. De la compétition ? En compétition. Et vous avez un bon niveau, je suppose. Vous aviez déjà un palmarès, Dans le monde des valides, les palmarès sont plus forts et plus hauts. J'ai un niveau, voilà, respectable, mais j'ai pas un excellent niveau comme les champions qui se jouent dans le sud. Mais je me débrouille. Alors rappelons bien les choses. Anne, vous êtes compétitrice. Oui. De handi pétanque. Je sais pas, on dit handi pétanque ou pétanque tout simplement. Non, on dit handi pétanque. D'accord. Soit vous jouez seul, ou accompagné, mais avec un autre déficient visuel. Oui. Et votre particularité, alors ça, moi j'ai été scotché, c'est que vous jouez également contre des voyants. Oui, je fais aussi. Expliquez-moi ça. Alors, c'est-à-dire que je suis toujours avec Marc. Marc me guide à chaque compétition, on va dire. Et ça m'arrive de jouer contre les valides. Et ça se passe plus ou moins bien, on va dire. Mais j'arrive la plupart du temps... pas les battre, mais faire en sorte... Alors, le plus ou moins bien. Moi, j'ai deux choses qui me viennent dans la tête. Il y a le plus ou moins bien parce que vous n'êtes pas à la hauteur par rapport à eux, voyants. Ou c'est plus ou moins bien parce que c'est les voyants qui voient ça d'un mauvais œil, si je puis dire. Qui n'apprécient pas trop le monde de l'handicap. Pour eux, au départ, c'était inconnu. Hein. Ouais. Quand je suis arrivée dans le monde des valides, comme j'ai l'habitude de dire, c'était pour leur faire comprendre qu'une personne qui a un handicap et quel handicap que ce soit que ce soit visuel ou autre, est tout à fait capable de jouer contre des valides. La preuve en est, c'est que maintenant, il y a moins de critiques, il y a moins de méchanceté. On accepte. Il y a plus de respect envers moi. Et bon, il y a encore du travail à faire. C'est un long chemin, ça c'est clair. Mais au moins, plus j'avance dans le temps et plus le travail paye, quoi. 12 ans, c'est long et c'est court en même temps. Pour être un bon compétiteur, il faut s'entraîner beaucoup. Oui. C'est-à-dire ? En tant qu'une personne handicapée, a plus d'heures d'entraînement. Une personne valide va jouer 2 ou 3 heures d'entraînement, ça va lui suffire. Et puis moi, comme je suis toujours en soif d'apprendre, je joue 2 ou 3 heures par jour ou par semaine ? Oh bien, ça dépend les semaines, ça dépend les week-ends, parce qu'on joue aussi beaucoup les week-ends. Donc voilà quoi. Alors, moi je vais être très curieux parce que je veux qu'on en arrive à la technique. On voit le terrain de boule, quand on joue, on voit les boules, on voit le cochonnet, on voit plein de choses. Et c'est là où, Marc, vous intervenez, vous êtes super important par rapport à ce que fait Anne. Alors, il faut à la fois qu'elle visualise le terrain et à la fois que vous lui expliquez ce terrain pour qu'elle le visualise parfaitement. C'est ça. Alors, expliquez-moi. Alors, je vous explique. C'est... je vais prendre l'exemple sur un lancer de cochonnet à 6 miettes. Anne se met dans un cercle pour être prêt à lancer la boule. Moi, je me dirige en face du cochonnet. Je suis derrière le cochonnet. Et je vois son balancement du bras. Le balancement du bras se fait jusqu'au niveau de la cuisse. Ouais. Elle a appris, alors avant tout, elle a appris pendant un an, il y a 10 ans, avec une balle de tennis tous les jours à la maison, son lancement de bras pour être droite quand elle est sur les terrains. Ça, c'est la première chose. Et les autres choses, c'est que, alors je lui dis la distance avec ma voix, elle ne voit pas sur les terrains, les dévers, les bosses, les cailloux, elle ne voit rien, Anne. C'est à moi de trouver le meilleur chemin pour elle, en sachant qu'elle est, je vous dis, pratiquement tout le temps droite. Et c'est là que je lui dis, le cochonnet est à 6 mètres, en sachant qu'elle est un petit peu plus forte que le fait qu'on lui dit. Alors, quand le cochonnet est à 6 mètres, je lui dis 5 mètres. Je lui dis, d'après mes yeux, elle est juste droite. Je dis, tu lances la boule et à 80%, 90%, elle est tout le temps à 10, 15 cm du cochonnet. D'accord, donc c'est... C'est une précision, c'est des codes. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de parler sur les terrains. Si, on a le droit de parler, donc. Alors là, on est obligé de parler parce que c'est madame, elle est non-voyante, voilà. Mais c'est sûr qu'on parle, mais on ne va pas non plus hurler parce qu'on est sur des compétitions, on est des 200 ou 300 compétiteurs, voilà. Mais on a le droit de parler. J'ai lu qu'il y avait des codes. Tape dans les mains pour dire on est derrière le cochonnet, afin que, ben je suppose que le son résonne, va jusqu'à Anne, qui déjà interprète la distance. Oui, alors moi c'est pas un défaut, mais c'est, je parle assez fort. Alors elle m'entend assez normalement quand je parle. Il y a des gens qui ont voulu essayer de la guider, ils parlent tout doucement, elle les entend pas. Voilà, il faut quand même parler assez fort. Il faut pas non plus parler trop fort pour pas gêner les autres compétiteurs, mais il faut parler assez fort. Et après, dès qu'elle enregistre tout dans sa tête, eh ben c'est formidable. J'allais y venir. Anne, oui. Donc vous avez le terrain en 3D quelque part dans votre tête. Donc Marc vous dit, je sais pas, cochonnet, donc il tape dans les mains, donc vous savez où est le cochonnet. Alors, à savoir que Marc parle, il tape pas dans les mains. Il parle, d'accord. Il parle, c'est voilà. Je crois qu'il y avait des codes obligatoires, c'est pour ça que taper dans les mains, c'est ce qui était dit dans les... Ça dépend les régions, par exemple, on sait qu'à Marseille, eux, ils ont leur cloche. À Lyon, c'est autrement, ils ont tous leur manière... mais je préfère la manière de Marc. Mais ça, c'est votre manière personnelle. Voilà. Il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas de règlement, non. D'accord. Non, absolument pas, non. D'accord. Alors donc, vous jouez à la fois en andy pétanque, oui, et en pétanque pour voyant. Qu'est-ce qui vous fait choisir telle ou telle compétition? Bon, moi personnellement, du moment que je joue à la pétanque, ça ne me dérange pas. D'accord. Voilà, maintenant... Vous êtes nombreux, non-voyants, à jouer à la pétanque? Non-voyants, il y a une dizaine. Il n'y a pas beaucoup. Alors, une dizaine, parce que j'ai lu qu'il y avait 300 000 licenciés en pétanque. Oui. J'ai absolument pas réussi à trouver le nombre de compétiteurs non-voyants. Alors, déjà... Il y en a très peu, alors, à Marseille, ça c'est sûr. Oui. Il y a à Lyon, parce que bon, on les a rencontrés, et voilà. En Moselle, Moselle, il y en a beaucoup plus. Oui, il y en a beaucoup plus. C'est là qu'il y en a beaucoup plus en Moselle. Bon, j'ai juste un chiffre, c'est 500 sourds et malentendants. Voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à avoir comme chiffre. Ah oui, c'est possible, hein, maintenant. Donc, on peut supposer que les non-voyants, on doit être à peu près dans les mêmes eaux, quoi, 500. Je ne sais pas, je ne peux D'accord. pas vous dire. Il y a beaucoup de compétitions pour Andy Pétanque en France? Non, pas beaucoup, forcément. Et c'est la raison pour laquelle vous allez jouer avec les valides. Oui. C'est pas une raison, pour leur... Moi, au départ, je voulais qu'ils comprennent les choses. Maintenant, ils commencent tout doucement à comprendre. Voilà. Et c'est très bien, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà. On comprenne bien pour les auditeurs. La pétanque, c'est pas nécessairement que deux boules. Hein. Il peut y avoir trois boules. Voilà, exactement. Hein, c'est la boule lyonnaise, c'est ça? C'est à Lyon qu'on fait trois boules ou c'est... Non, c'est un peu dans toutes les régions françaises. D'accord. C'est juste, par exemple, on va dire une journée, c'est un concours en triplette. Alors là, c'est trois personnes avec deux boules. Autrement, c'est le lendemain, il y a une autre compétition et on dit en doublette. En doublette, c'est trois boules. Et ça peut arriver aussi qu'il y a des compétitions en tête-à-tête. Ça veut dire un joueur et un adversaire. Et là, c'est trois boules aussi. D'accord. Et quand Anne joue toute seule, c'est vous qui faites le donneur, qui expliquez tout. Vous ne jouez pas. Je suis toujours le guide. Je suis ses yeux. D'accord. Pour terminer cette première partie, le poids d'une boule, c'est 700 grammes, hein, c'est ça? Alors, ça peut... Tout dépend... je vous dis, on fait des essais. La personne qui veut apprendre à jouer à la pétanque, elle prend n'importe quelle boule. Elle fait un stage à peu près de, je veux dire, un mois, en venant peut-être tous les semaines. Elle essaye des boules. Il y a une manière, parce que tout le monde n'a pas les mêmes mains. Comment dire, dans les différents ventes de boules de pétanque, il y a une position de main et on prend... Vous voulez dire que toutes les boules ne sont pas identiques? Non. D'accord, il n'y a pas un poids obligatoire, il n'y a pas un calibre obligatoire. Il y a le poids, ça peut être entre 650 et 800. D'accord. Et il y a aussi le diamètre, c'est de 70... Il y a un calibre en fait. Tout dépend la main de la personne. D'accord, ok. Écoutez, la première partie est terminée. On va revenir après. Une petite pause musicale. Alors voilà, j'ai voulu faire un petit clin d'œil pour revenir à tout ce que je disais au départ. C'est-à-dire, on va se faire un petit peu de pétanque sous les palmiers. J'ai écrit une chanson. Ça, c'est cool, ça. Qui sera dans mon prochain album qui sera publié, je pense, en juin. La chanson s'appelle Vive les vacances des Tamalous. Et l'album s'appellera Les vacances des Tamalous au Club des Allumés. Allez, on va écouter ça. Le but du jeu, c'est les vacances. L'atmosphère est chargée. Bien se masser le poignet pour ne pas flancher. On caresse sa boule, l'œil fixé sur le cochonnet. Le temps est en suspens, on retient sa respiration. La tension monte palpitant en accès. Tout le monde doit se taire. Pâté, José, mais on ira à sa boule, ça va le faire. Il tire, explosion générale, chaos. L'état malou hurle. Pâté, José, c'est le héros de l'apéro. C'est les vacances chez les dames malou. Alors dans cette chanson, je me suis mis habilement en scène. Papy José fait un beau carreau. Vous en faites, vous, Anne, des carreaux ? Ça m'arrive, oui. Vous en faites souvent, c'est... Oh, pas souvent, mais souvent. Oui, je suis plus surprise par moi-même quand Marc me dit que j'ai fait un carreau que... Mais je vous ai posé la question que la musique passait. Vous tirez et vous pointez, vous faites les deux. Effectivement, oui, je fais les deux. Et Marc, votre spécialité ? Je fais les deux aussi. Les deux. Alors, mais je suis plus meilleur au pointage qu'au tir. Mais je fais les deux. Il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est très frustrant. On pointe, on se met contre le cochonnet. Il y en a toujours un qui arrive à vous dégommer. Ce n'est pas possible, ça. Ça devrait être interdit. C'est la magie du sport, comme on dit. Bon, vous faites partie d'un club, donc le club de Marly. C'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Parlez-moi un peu de ce club. Alors, c'est un club formidable, parce que quand je suis arrivée il y a 6 ans en arrière, j'ai été reçue très bien. Par exemple, quand je viens tout seul au club, je n'ai pas d'appréhension. Tout le monde s'occupe de moi, il n'y a pas de soucis. Pas de soucis, voilà. Vous êtes la seule non-voyante ? Non, les deux. Mais je suis la seule à me déplacer pour aller toute seule au club. D'accord, parce que sinon, il y a... Enfin, moi, je sais que sur Nancy, il y a Andistan pour se déplacer. Donc, oui. Vous allez au club avec votre mari, sûrement, non ? Oui, ou avec mon mari, ou des fois, je prends le bus et puis j'y vais toute seule. Ouais. Il n'y a pas de... Voilà, quoi. Pas forcément, parce que des fois, je travaille et oui. Madame, elle veut aller l'après-midi jouer et elle se débrouille. Ça m'arrive. Oui, c'est sur Marly, donc il n'y a pas le... Voilà. Comme Andistan à Nancy, je sais que ça existe à Metz. Oui, il y en a, mais... Ça existe à Metz. Il y a des bus qui... Marly est très bien desservie, donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Et voilà. Moi, il y a une question qui me turlupine. On arrive à Marly. Je veux faire de la pétanque. Ils ont sauté, non ? Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut faire de la pétanque ? Non, l'arrivée, on était reçue par Jean-Marc Huillier, qui est le président. Et donc, j'ai expliqué ma demande parce que je voulais absolument jouer à la pétanque, mais voilà. Et donc, il était d'accord et ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a Christophe qui est venu avec moi, Donc Christophe, son handicap, et c'est un handicap mental, on va dire. Voilà. Et donc, on était deux au départ, il y a 6 ans en arrière, pour jouer à la pétanque. Et, on l'a fait au départ toutes les... avec lui, je faisais toutes les compétitions handi-pétanque. Et ensuite, Guillaume est arrivé. Donc, puis après, ça a suivi avec Ludovina et Christian, qui maintenant, les 6 a joué au club en tant que handicap. Et voilà, et ça se passe très bien. Et Marc, vous êtes dans le même club ? Oui, je suis dans le même club depuis 6 ans aussi. En sachant que Anne et moi, on était dans un ancien club avant 6 ans. Il faut se dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui acceptent ou qui a les... On va pas dire les structures, parce qu'à part les boules, qu'est-ce qu'il faut ? Ah ben, à part les structures quand même. Ou alors... Oui, exactement. Peut-être, ou peut-être des guides, ou je sais pas, mais il n'y a pas beaucoup de clubs qui prennent des handicapés pour jouer à la pétanque. Il y a 6 ans, comme Anne a dit, on a demandé à notre président, on est arrivé dans son club et on a demandé, est-ce que vous pouvez bien accepter de faire dans son club un groupe d'handicapés pour qu'on puisse jouer à la pétanque. Et il a accepté, il n'y a pas eu un problème, ni de soucis, et puis voilà, depuis 6 ans. Bah, je pense que ça peut faire peur aussi, hein, de se dire, mais comment je vais faire pour expliquer en non-voyant à jouer. Ce qui est bien, Marley, c'est que j'ai la chance, moi, j'appelle ça une chance, c'est que quand j'arrive, tout le monde est d'accord de jouer avec moi. Il n'y a pas de différence. Non, je ne vais pas jouer avec elle parce qu'elle a un handicap. Tout le monde est solidaire. C'est ça qui est bien dans le club de Marley, c'est que tout le monde est solidaire. C'est très bien. Maintenant, on leur explique, Marc leur explique aussi. Moi, je suis toujours tendance à leur expliquer les choses. Et de fil en aiguille, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas... aucun Alors, souci. En parlant d'expliquer, justement, vous faites des démonstrations pédagogiques, alors vis-à-vis du grand public. Je vous recontacterai d'ailleurs, hein, je vous l'avais dit, pour faire une Bien petite sûr, démo plaisir. Sur Nancy courant avril, on va attendre les beaux jours, pour pouvoir annoncer ça. Mais vous faites également les écoles, collèges, lycées. Comment ça se passe ? Nous avons été contactés par le lycée professionnel Montigny-et-Metz. Et donc, on a fait une démonstration. Ils parlent. Tous les ans, ils font leur journée handi. Et il y a plusieurs associations, chiens guides qui participent. Wapi, c'est cité. Oui. Il y a qui encore ? Il y a la Boccia qui font aussi une démonstration. Il y a beaucoup d'activités que les jeunes peuvent voir et faire avec... Il va y avoir ça aussi sur Nancy, peut-être que ça vous intéressera, hein, sur l'ensemble scolaire Georges de la Tour. D'accord. Et c'est une prof de braille, que j'avais reçue ici d'ailleurs, on parlait du braille, qui organise une journée handisport, avec des démonstrations, etc. Vous lui donnez mes coordonnées, et puis on en reparlera, parce que nous-mêmes, on vient avec une table de showdown, etc. Mais bon, d'accord. Ça c'est autre chose. Donc, vous, et les jeunes, comment ils réagissent? Ça doit les surprendre. Ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés dans la mesure où il suffit que je dise que je ne vois pas et que. Alors là, c'est. Mais ils participent, ils posent des questions, ils sont très intéressés, c'est ça qui est bien, quoi. Alors évidemment, vous les mettez en situation, vous leur mettez un bandeau sur les yeux. Marc leur met un bandeau sur les yeux et voilà, et ça se passe très très bien. Ça fait maintenant 3 ans qu'on le fait et c'est un plaisir d'y retourner tous les ans. D'accord, ça n'a pas donné des vocations. Je pense pas, non. Non. Ça... Donc là, c'est dans le cadre de cette fameuse journée handisport. Je suppose qu'il y a des mâles et non-voyants dans cet établissement qui apprennent le braille aussi, c'est ça ? Non, je ne pense pas. C'est plus c'est pour leur apprendre à faire. C'est vraiment un métier. Pour leur apprendre, d'accord. Oui. Non, donc c'est juste la journée qui leur belle ouverture d'esprit, ouais, c'est très bien. Que le principal fait, et ça se passe très bien. Alors, j'ai vu que vous me l'aviez envoyé un petit message d'ailleurs, qu'il y a pas mal de compétitions qui se dessinent. Quelles compétitions vous envisagez de faire dans les prochains temps ? Alors, dans les prochains temps, à la fin du mois, je monte à Paris avec Marc déjà pour faire une démonstration et ensuite pour faire un concours, donc on part une journée. Le 19 et le 23, on part en Espagne à Santa Susana pour faire un concours officiel à Nancy Invalide. Championnat d'Europe. Voilà, championnat. Entre les deux dates, là, il y a les mixtes, mais ça, c'est avec les valides. C'est, je vais jouer contre les valides. Oui. Et mix, il y a la doublette et la triplette mixte à faire. Voilà. Et puis, au mois de septembre, il y a encore, le tournoi de championnat de France. Voilà, à Gien, Haute-Saône. D'accord. Donc, voilà. Alors, c'est un agenda bien chargé. Et moi, tout de suite, je me pose la question, le coût. Parce que tout ça, ça coûte de l'argent. C'est... Vous avez des aides de handisport, des aides, je ne sais tout. Pas moi, rien du tout, je m'en doutais un peu. Voilà. Je m'en doutais un peu, donc vous n'avez pas de sponsor particulier? Non, excusez-moi, Cécité est notre sponsor officiel. Cécité, l'association voilà, Cécité voilà. Sur Metz, oui. Voilà, c'est, ça, c'est, le club aussi participe, mais ça s'arrête là. Quoi. D'accord. Je veux dire, on n'a pas d'aide de la fédération, on n'a pas d'aide, et puis voilà quoi. Bon, ça fait 6 ans qu'on le fait, on s'est toujours débrouillé, donc... Alors, vous n'avez pas d'aide parce que c'est Andy Pétanque, ou alors vous n'avez pas d'aide parce que c'est la pétanque, tout simplement. Autrement dit, est-ce que les voyants, eux, des clubs, peuvent avoir des aides particulières, de je ne sais pas moi, d'une banque Crédit Mutuel ou je ne sais pas moi? Ah, ça, je ne sais pas. Là, c'est des questions pièges. Je ne sais absolument pas. Alors, en fin de compte, il y a plusieurs divisions dans le monde de la pétanque. Allez, je vais faire une petite parenthèse en disant que quand on voit des Monsieur Souchot, Monsieur Quintet, Monsieur Dylan Rocher, Monsieur Fasino, ces personnes-là ont des aides. Mais ce sont des compétiteurs, je suppose. Eux, c'est des grands compétiteurs, champions du monde, champions de France, champions d'Europe plusieurs fois, voilà. Mais nous, on n'a aucune aide. Ça veut dire que si on se déplace pour un tournoi en région Lorraine, ben c'est moins loin et voilà. Mais quand on fait des compétitions comme là, on va aller en Espagne ou à Paris, c'est tout à la charge des joueurs. Ça veut dire que c'est nous, par définition, on met de l'argent de côté tous les mois et après on part et c'est à notre charge, tout. Bah écoutez, on va conclure cette deuxième partie, en faisant un appel. S'il y avait des entreprises, des commerçants locaux qui ont envie de vous soutenir, bah ils peuvent nous contacter Fagette et puis on vous fera suivre. Merci. En attendant, on va passer un petit clip audio que j'ai réalisé qui parle de ce que la compétition Andy Pétanque, avec un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et mieux dit, et avec plus de détails. On se retrouve tout à l'heure. La pétanque. Franchement, j'essaie de m'imaginer, les yeux fermés, sur un terrain. Mon premier réflexe, ce serait de me sentir complètement paumé. Le bruit des boules, le soleil, le geste si précis où l'œil guide la main, tout semble tellement visuel. Alors, la question, elle est immédiate. Comment on fait ? Comment on fait pour viser une cible qu'on ne voit pas ? Aujourd'hui, on va explorer comment des personnes non-voyantes pratiquent ce jeu. Et surtout, si on peut mélanger les joueurs voyants et non-voyants. Et c'est une excellente question, parce qu'il faut tout de suite écarter l'idée que c'est une pratique anecdotique. On parle bien d'une discipline officielle de la Fédération française handisport. C'est très structuré, avec des compétitions, des athlètes de haut niveau. Le défi est réel, mais les solutions, elles, le sont tout autant. D'accord. Alors, par où on commence ? C'est quoi la première étape pour reconstruire cette perception de l'espace sans la vue ? La première brique, c'est le son. Et pour ça, il y a une personne clé, le donneur. Le donneur ? Oui. C'est un guide qui peut être voyant ou même malvoyant et qui se place tout près du cochenet. Et là, il va créer un repère sonore. Il tape le sol, il claque des doigts, des mains. Le son, en fait, devient la cible. Juste avec le son. Mais c'est que le début. Le joueur, souvent, il va marcher. Il arpente la distance jusqu'au but pour la mémoriser en nombre de pas. Il touche le sol, il analyse la texture, la pente. C'est tout son corps qui est engagé. C'est fascinant. Le joueur se crée donc une sorte de carte mentale complète du terrain, mais avec ses autres sens. Une carte mentale, oui. Mais c'est même plus que ça, c'est une carte kinesthésique. Le joueur ne voit pas le terrain, il le ressent dans son corps. C'est une maîtrise de l'espace qui est fondamentalement différente. Peut-être même plus intime d'une certaine manière. Exactement. Et ça ne dénature pas le sport. Au contraire, ça exacerbe des qualités qui sont déjà cruciales à la pétanque. La mémoire, une concentration extrême et la proprioception. La proprioception, c'est la conscience de son corps dans l'espace, c'est ça ? Voilà. C'est ce qui permet de reproduire un geste parfait à l'aveugle. La précision, elle, reste absolue. Et donc, cette approche si particulière, est-ce que ça se traduit bien en compétition ? Est-ce que ça crée une catégorie à part ? Ou est-ce que ça permet de nouvelles formes d'intégration ? Les deux, en fait. Il y a un circuit compétitif dédié, organisé par Handisport, qui est de très haut niveau. Mais le plus intéressant, je trouve, c'est vraiment l'intégration. Les sources parlent d'exemples assez forts. Il y a ces joueuses malvoyantes de haut niveau en Lorraine. Non seulement elles sont très performantes en tournoi, mais elles vont aussi dans des lycées pour faire des démonstrations. Ah oui, ça doit être marquant pour les élèves. Complètement. Ce qui est frappant apparemment, c'est le silence qui se fait. Au début, les lycéens sont sceptiques. Et puis, ils voient un carreau parfait, réalisé uniquement au son. Et là, en une seconde, leur perception du handicap et du possible, elle change. J'imagine. Et ça nous amène directement à la question de la mixité alors. Est-ce qu'on peut vraiment mélanger les équipes ? Un joueur voyant et un joueur non-voyant, dans la même triplette par exemple ? Tout à fait. Et c'est même fréquent. C'est là que la pétanque devient un sport exceptionnellement inclusif. Comment ça marche concrètement ? Dans une équipe mixte, n'importe quel coéquipier voyant peut prendre le rôle de donneur. Attendez. Mais oui, bien sûr. Ça change tout, en fait. Le coéquipier n'est plus juste un partenaire, il devient littéralement une extension des sens de l'autre. La confiance doit être un niveau complètement différent. Exactement. Le lien se transforme. On ne joue plus seulement côte à côte, on joue vraiment l'un pour l'autre. La communication, la description du jeu, la confiance dans le guidage, tout ça devient aussi crucial que le geste technique. Ça enrichit le sport pour tout le monde, y compris pour les joueurs voyants. En résumé, si je comprends bien, ce qui semblait une barrière infranchissable est contourné grâce à des repères sonores, une perception du terrain par le corps et surtout une confiance absolue dans son partenaire. Il y a un vrai circuit de compétition et le jeu partagé entre voyants et non-voyants, c'est une réalité qui rend le sport plus fort. C'est la synthèse parfaite et ça nous laisse avec une réflexion, je trouve, qui va plus loin. L'exemple de la pétanque nous interroge. À combien d'autres activités est-ce qu'on considère, à tort, comme exclusivement visuel. Si on se concentre non pas sur la manière habituelle de faire, mais sur les compétences essentielles d'un sport, ici la précision, la mémoire spatiale, on découvre qu'on peut ouvrir des portes incroyables. On ne crée pas juste des adaptations, on invente, potentiellement, des terrains de jeu qui sont pour le coup véritablement universels. Bien, Marc, donc on a vu tout à l'heure que vous étiez en quelque sorte l'entraîneur, l'homme de confiance de Anne, dans le cadre de ses compétitions, seul ou avec vous. Oui. Mais d'un autre côté, vous êtes également entraîneur, je crois, à votre club de Marly, mais entraîneur de personnes handicapées. Oui. Dites-moi un peu quelques mots sur ce... Ah bah avec notre président et avec un centre, un CAT de la région, à côté de notre ville, nous avons fait un partenariat avec ces gens-là et il y a un groupe de 8 à 10 personnes. Je rappelle, ce sont des handicapés mentaux. Hein, c'est handicapés ça. Mentaux qui veut essayer à jouer à la pétanque. Alors tous les mois, je prends du temps pour les guider ou les entraîner. Et après, on fait des petits entraînements, des petits éléments. Et après, on fait des petits matchs. Et ces gens-là sont extrêmement joyeux et contents de venir et d'apprendre et de jouer. Oui, donc je ne cherche pas nécessairement la compétition, mais en tout cas de se retrouver entre eux. Non. C'est juste petit loisir pour ces gens-là, mais il y en a certains qui voudraient commencer tout doucement les compétitions. Alors, on leur dit, il n'y a pas de problème. D'accord. Je voudrais revenir sur le couple Anne-Marc. Oui. Donc on a vu qu'en tant que compétiteur, vous étiez en symbiose, si je puis dire. Anne, c'est une confiance totale pour Marc, puisque c'est lui qui vous guide totalement. Bien sûr. Et puis d'un autre côté, vous, mentalement, c'est claquant quand même, hein, à chaque fois de se refaire le jeu. Mentalement, c'est fatigant. C'est compliqué parce qu'il faut que je mémorise toutes ces directives. Donc c'est déjà pas évident. Et puis il y a le bruit autour, hein. Il y a des gens qui parlent, les bruits de boules de pétanque, ça résonne, donc il faut qu'ils parlent un peu plus fort. Mais dans l'ensemble, ça se passe très très bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je vais être très curieux. Est-ce que cette confiance que vous avez sur le terrain, elle est aussi importante, voire fusionnelle dans la vie ? J'ai une confiance aveugle en mon mari. Hein. Ah, c'est beau ça. Donc voilà, et puis on se complète tous les deux et ça se passe très bien. Au départ, il a eu du mal de, par exemple, déplacer des choses à la maison, des choses comme ça. Mais il fallait que je lui apprenne. C'était mon rôle de lui apprendre comment que ça se passait avec les personnes. Chacun apporte à l'autre. Voilà, exactement, ouais. C'est ça, et ça se passe bien. Et moi, quelque chose aussi, parce que quand on est non-voyant, il y a un sens qui nous manque. Et après, il faut qu'on se débrouille avec les autres. Hein. C'est oui, la plasticité du cerveau, quelque part. Et le cerveau compense. Avec Louis en particulier, voilà. Et vous, le fait de faire ce sport, la pétanque, est-ce que ça vous donne plus de facilité pour vous déplacer ? Le fait que mentalement, vous mettez les boules, le terrain dans votre tête et vous l'organisez, est-ce que votre environnement, c'est plus facile pour vous ? Disons qu'un terrain de pétanque, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire... Oui, mais déjà votre intérieur, voilà. C'est quand on... En fait, quand on arrive quelque part... Un non-voyant essaye toujours de se faire une image mentale. En tout cas, c'est ce que je fais moi. Oui, moi aussi. On recherche tous les obstacles, etc. Mais vous, je suppose que vous avez les obstacles, mais vous avez les distances dans votre tête. Au niveau des pas ou des choses comme ça, oui. Marc, vous sentez que c'est plus facile pour elle parce que vous l'avez connue, évidemment, elle débutait, c'était pas une compétitrice, c'était une débutante, c'était pour le loisir. Est-ce que le fait de jouer à la pétanque, vous avez vu une différence dans ses déplacements, dans sa locomotion ? Oui. Oui ? Et je vous dis aussi que le fait, la vie privée de nous deux et la fille sportive, je trouve que la vie sportive... entre nous deux, elle est même plus fusionnelle et encore beaucoup mieux que la vie normale. Je m'arrête là-dessus, c'est que on s'entend à merveille. On n'a jamais eu un moindre petit souci au niveau sport. Que peut-être que autrement familiaux, voilà. On est deux personnes, mais en fin de compte, c'est qu'une personne. Et 1 plus 1 égale 1. Voilà. D'accord. En tout cas, Anne, Marc, franchement, grand merci d'être venu de Metz, hein, de Marly même, pour participer à cette émission. Moi, c'était un grand plaisir, j'ai appris plein de choses. Moi, je voudrais encore dire juste une petite chose, c'est que on a parlé de nous, de certains sponsors du club, voilà. Mais il faut dire que sans les bénévoles, sans les gens, et aussi parce qu'il y a aussi sans le club. Et il y a aussi le comité région qui, au début, était un peu pas sceptique, c'est pas le mot, mais un peu en retrait, et quand ils voient que maintenant tout se passe bien, ils sont, je dis pas qu'ils sont aux anges, mais ils sont heureux. Un beau travail d'équipe, voilà. Et qui ont bien accepté l'handicap oui, visuel. Voilà. Et à savoir aussi que le club, actuellement, on est à 167 licenciés, et on va bientôt atteindre les 200 avant la fin de l'année. Voilà. Je vous remercie. Je veux dire juste à nos auditeurs que on aura l'occasion de refaire une émission, ne vous inquiétez pas. Je voudrais juste dire à nos auditeurs qui peuvent retrouver cette émission en podcast dès demain sur Fadjet, évidemment, et sur ma chaîne YouTube, papy.josé54, où ils retrouvent toutes les émissions, les clips audio, mes musiques et plein de choses. Je précise également que s'ils sont intéressés par vous, je publierai un clip spécial sur Anne et Marc Eugénie jeudi en soirée, alors que tout le monde puisse aller sur ma chaîne et regarder ça. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à dans un mois pour une nouvelle émission de Il y a des choses à dire avec Papy José. En attendant, portez-vous bien. Salut !